Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le dernier délire d'Adam Sandler. Après 30 ans sans se voir, 5 copains d'enfance se retrouvent pour partager un week-end avec femmes et enfants. Leurs relations reprennent là où elles s'étaient arrêtées 3 décennies plus tôt. Et ils vont vite découvrir que vieillir ne signifie pas forcément grandir. Il y a 30 ans, ils étaient les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, ils se retrouvent et ils ont tous grandi. Iggy ! Ça va, mon vieux ? Enfin, ça reste à voir. Mon pote, je croyais que t'allais te mettre au sport. Comment ça ? T'es une baleine ? Non ! Ils rencontrent les familles de leurs copains. Oh, t'es venu avec ta mère. Ma femme. Oh, je suis désolée. Pas moi. Découvre leurs enfants. Maman, je veux mon lait. Viens, mon chéri. Maman va te nourrir. Ton fils est trop mignon. Quel âge a-t-il ? Il vient d'avoir 48 mois. Tu veux dire 4 ans ? Ouais. Et ils revivent leurs tendres années. Tu veux faire quoi aujourd'hui ? Je t'écoute. C'était quoi ton activité préférée quand t'avais 12 ans ? Oh, non, évitons ça. Une comédie. Vous savez faire des ricochets, Madame Feder ? Tu plaisantes, j'espère. C'est moi qui ai inventé ce jeu. Qui prouve que grandir est un choix. Copains pour toujours, avec la bande de Joyeux Drie, Adam Sandler, Chris Rock, Salma Hayek, un DVD Sony SPHE.